gens qu'il y a dans la place. Dimanche matin, on pose ça tranquille. Ah. Réveil à 11h, gueule de bois légère. Hier soir c'était chaud, je me rappelle plus trop d'hier. J'enfile mon jogging, descends acheter le pain. Boulangerie fermée, putain c'est dimanche, j'avais oublié ce matin. Café soluble, balcon, clope qui se consume. Je regarde les gens passer, la vie qui s'allume. Des familles qui vont déjeuner chez mémé. Moi je suis tout seul mais je suis pas déprimé. Le dimanche c'est sacré, pas de taf, pas de pression. Netflix, canapé, zéro obligation. Je réponds même pas au phone, mode avion activé. Ce jour m'appartient, je vais pas le gâcher. Le dimanche matin, tout va au ralenti. Le dimanche matin, j'oublie mes soucis. Pas de rush, pas de stress, juste exister. Le dimanche matin, je veux juste respirer, yeah, yeah. Respire, le dimanche matin, yeah. Midi, je commande des sushis ou une pizza. Livreur qui galère à trouver, je le vois en bas. Je sors en claquette, cheveux en pétard. Il me regarde bizarre mais j'en ai rien à faire. C'est ma journée peinard. L'après-midi file entre série et sieste. Culpabilité zéro, productivité absente. Demain c'est lundi, retour à la guerre. Mais aujourd'hui je profite, juste être sur terre. Coucher de soleil, mélancolie qui pointe. Week-end qui se termine, réalité qui me poinçonne. Mais je garde le positif de ces heures volées. Autant qui passe trop vite dans nos vies surchargées. Le dimanche matin, tout va au ralenti. Le dimanche matin, j'oublie mes soucis. Pas de rush, pas de stress, juste exister. Le dimanche matin, je veux juste respirer, respirer, respirer, le dimanche matin. Dimanche soir, 23h. J'prépare mes fringues pour demain, quelle heure. Mais j'regrette rien de cette journée. Le dimanche prochain, j'remets sa valide.